je vais moi-même faire relativement rapidement, de manière à établir une complémentarité entre les deux problématiques. C'est toujours la condition enseignante, peut-être moins sous l'angle des publics que sous l'angle de la relation avec l'institution, hein, les pouvoirs donc de décision de l'institution. Et en même temps, je me permettrai en début de dire effectivement que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la complexité donc des contradictions qui expliquent le déficit dans lequel l'institution se trouve actuellement et la part de responsabilité des différents acteurs, dont les enseignants eux-mêmes, hein, et les représentations enseignantes, c'est indéniable. Bon, moi je reviendrai effectivement sur la réforme des collèges pour montrer un angle de vue complémentaire, hein, qui est de dire qu'effectivement, à ce moment-là, le pouvoir Benkacem a quand même joué le camp pédagogique contre l'intersyndical qui travaillait sur la transmission des connaissances et savoirs disciplinaires, spécialement dans la partie discipline linguistique. Moi, j'ai bien vu toutes les associations de disciplines, latin, grec, donc les langues anciennes, langues régionales, qui étaient sinistrées, hein, dans la perspective de la réforme du collège, hein, langues européennes comme l'allemand, ne parlons pas des langues minoritaires telles que l'italien, le russe, qui sont déjà en déconfiture depuis la fin des L3, des LV3 en lycée, hein, ça date déjà de 10 ans, et donc des budgets d'austérité qui se sont mis en place dans l'éducation nationale. Mais il est indéniable que le jeu de la division a joué pleinement et que de ce point de vue, il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs qui ont pu permettre aux enseignants de retrouver les voies d'un dialogue interne et d'une unité. Moi, je me rappelle à ce moment-là, bon, on n'était pas en discussion, donc je ne voulais pas proposer, mais je l'ai proposé à Philippe Mérieux. Et effectivement, je regrette qu'il n'ait pas accepté de débattre, à la fois, bien sûr, avec le camp pédagogique, dont il est un des représentants éminents, et l'intersyndical, qui avait tout à fait des motifs nobles également, de travailler à la défense du système d'éducation. Et cela, spécialement, sous l'angle des disciplines linguistiques, hein, qui étaient extrêmement mises à mal par, effectivement, par le ministère Belkacem. Voilà, voilà un élément où, effectivement, où la division a joué d'une manière tout à fait mortifère. Et c'est sur cette base-là, en particulier, bien sûr, que l'équipe Blanquer s'est mise en place. Hein. C'est clair que, d'une manière générale, il y a eu une erreur stratégique, pour reprendre votre terme, hein, du gouvernement de la présidence Hollande. Depuis la loi de refondation, et là je citerai votre livre, hein, ne tirez pas sur l'école, qui effectivement explicite bien le fait que dans la mesure où on n'a pas intégré les enseignants à la réflexion sur la réforme, et d'autant plus sur une refondation, ce qui est beaucoup plus ambitieux encore, il n'était pas possible que ce terme de refondation, cet objectif de refondation, soit réalisé. Hein, ça n'est pas la technostructure, comme vous dites, qui peut permettre effectivement à toute une institution de s'auto-réformer dans le sens, dans une perspective émancipatrice, hein, quelles que soient effectivement les intentions louables au préalable. Voilà, et alors je suis d'accord aussi avec vous sur le fait qu'effectivement pour sortir de ce dialogue de sourds entre les éducateurs et les instructeurs, il faut réintégrer le tiers d'exclusion. C'est toujours comme ça, hein. C'est ce que dit effectivement la transdisciplinarité, hein. Et le tiers d'exclus, c'est les quartiers populaires. Hein. Tant qu'on n'aura pas effectivement envisagé, non seulement bien sûr des moyens enseignants adéquats, avec une formation adéquate par rapport à ces quartiers, mais aussi une didactique au-delà de la pédagogie. C'est une didactique de l'interculturel, c'est une didactique de la francophonie. Moi, je suis professeure d'être moderne. J'ai fait 10 ans en coopération au Maroc et au Bénin, et j'ai bien vu à quel point toute mon expertise acquise au Sud n'a jamais été prise en compte par mes hiérarchies. Et même, on m'a toujours dit, ça ne fait pas partie des priorités. Donc, il n'y a pas de dialogue géopolitique entre le Nord et le Sud, et également au niveau des quartiers populaires, entre le centre et les périphéries des quartiers populaires. Et donc on se retrouve dans cette situation schizophrène qui fait qu'on a ghettoisé les quartiers, les établissements des quartiers, et qu'on a désormais effectivement une situation qui est catastrophique à ce niveau. Et évidemment les enseignants en subissent de plein fouet, hein, les effets, c'est normal, hein, quand ils sont en situation sur le terrain, parce qu'ils ne sont pas à même de répondre aux problématiques des élèves. Et vous avez à ce titre un grand nombre de films, donc de docu-fiction qui ont été des cultes du style Entre les murs, hein, bien sûr, qui a été primé à Cannes, La journée de la jupe, qui portait sur l'enseignement du français, spécialement en collège, et qui montrait à quel point cet enseignement est inadapté aux problématiques anthropologiques des publics. et qui était de se situer sur le plan interculturel, et qui disait, mais oui, mais nous, on ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes principes et les valeurs, comment est-ce qu'on pourrait les comparer? On ne fait même pas de littérature comparée en français. On a une telle perspective narcissique, hein, qui est fondée sur l'identité nationale, vraiment à la Sarkozy. On est comme ça, hein. On est resté dans le 18e siècle, où on fait l'étude du bon sauvage en permanence, sans jamais faire de la littérature francophone. Elle n'a jamais le droit de citer cette littérature francophone, ça fait 70 ans qu'elle existe, et elle n'a jamais le droit de citer. Mais par contre, les Montesquieu et le bon sauvage, l'esclave qu'on va libérer au 18e, on en est toujours là. Donc cette espèce de fixisme, cet anachronisme des programmes, et aussi donc des comptes, des didactiques à apporter, en partie par le biais du comparatif, par le biais de la francophonie. Tous ces éléments-là sont inexistants dans ces disciplines, ce qui effectivement est une des raisons majeures pour lesquelles effectivement les enseignants sont en difficulté avec ces publics-là. Et pour revenir à mon propos, mais très rapidement, hein, je sais bien que tout le monde est fatigué et je ne vais certainement pas redire ce qui a été dit très bien par ceux qui m'ont précédé. Je voudrais revenir rapidement sur les causes de ces violences institutionnelles et sociétales à l'encontre des personnels, hein, donc spécialement les personnels. Bon, le néolibéralisme moral, je crois qu'on est peut-être quasiment tous d'accord là-dessus, ça a été dit, et qui s'associe à un courant populiste. Parce que dans l'analyse stratégique, il faudrait qu'on voit absolument que le courant oligarchique d'en haut, il est associé au courant populiste du bas. Et c'est comme à la période, de toute façon, pré-fasciste et nazi, hein, entre la bourgeoisie allemande et bien entendu, le nazisme. Hein. Voilà, ils s'associent pour effectivement conserver l'ordre dominant, et les forces réactionnaires d'en bas effectuent les bases d'œuvre au service de l'oligarchie. Hein. Dans les manifestations, ça se manifeste par le fait que les forces de l'ordre qui votent à 60% Front National vont casser du jeune et du manifestant, finalement aux ordres de Macron, hein, de la Macronie. Hein. Et de la même manière, dans les établissements scolaires, vous avez des publics effectivement de plus en plus remontés et qui sont psychologiquement perturbés, mais idéologiquement perturbés aussi, et qui cassent du prof. Hein, il faut bien comprendre ça. Qui cassent du prof et avec la complicité passive de l'administration qui joue bien sûr les divisions et qui cherche à mettre au pas les enseignants, hein, sur un motif ou un autre. Ça, c'est évidemment une grande cause idéologique. Bon, la deuxième cause, vous en avez parlé aussi, c'est la question des relations hommes-femmes et de la féminisation des personnels de l'éducation nationale. Alors donc, 81% dans le premier degré, 58% dans le secondaire sont des femmes. Et donc, ce qu'on n'a peut-être pas assez établi, c'est le fait qu'au moment de la massification des publics scolaires, la corporation se féminisait, d'où un effet de choc culturel majeur. Hein, puisqu'effectivement l'autorité qui était l'autorité patriarcale, masculine au départ, eh bien nous, on n'était pas du tout représentée de la même manière par les femmes, la culture de genre oblige, et donc évidemment face à la massification, l'autorité tout court, enseignante, elle est en déperdition. Donc il y a une nécessité à établir le relationnel existant entre les deux phénomènes socio-éducatifs de manière à pouvoir redonner au monde enseignant l'autorité morale et intellectuelle qui doit être la sienne. Et ceci dit, bien entendu, sans aucun autoritarisme et sans aucun corporatisme, puisque ça n'est pas le problème. Voilà, alors ça c'était deuxième cause, hein, je ne reviens pas là-dessus. Une troisième cause, c'est l'isolement du monde enseignant. Et là aussi, il y a quand même un travail quand même de dynamique de groupe à faire entre nous. Moi, je vois des enseignants qui ne sont même pas capables de communiquer par mail entre eux. Voilà où on est, le clivage, mais incroyable, le carcan individualiste atomisant dans lequel sont la plupart des enseignants, qui sont par ailleurs des Bac+, 6, etc., hein, très évolués sur le plan intellectuel. Mais sur le plan anthropologique, il en reste un carcan individualiste qui est évidemment renforcé sur la défensive et qui fait que travailler un esprit de groupe qui nous permette de remonter un peu la pente, ne serait-ce que par une communication internet, bon, et de dire où on en est, comment est-ce qu'on peut essayer de remonter un petit peu évidemment de la pente glissante dans laquelle on est quasiment de l'ordre de l'impossible. Donc c'est incroyable ce type de blocage collectif auquel on peut avoir droit. Ça, c'est une troisième cause qui est assez phénoménale. Et voilà. Et donc, pour terminer, effectivement, on peut dire, on est en train de fêter le cinquantenaire de 1968. Hein, et l'une des définitions qu'on peut donner, finalement, c'est que ça a été la chute symbolique du patriarcat. Hein. Tout le monde sait que De Gaulle, c'était le grand-père de la nation. Hein. Eh bien, dans le trio anthropologique homme, femme, enfant ou jeune, effectivement, on voit bien qu'il y a eu cette tendance à passer le relais de l'homme au jeune. Hein, d'où cette dérive jeuniste à laquelle on a quand même assisté de manière assez passive et que le néolibéralisme, bien sûr, alimente, hein, puisque ce sont des consciences extrêmement immatures, pas encore construites, que l'on peut manipuler et récupérer comme on veut. Et en faisant fi quand même de cet élément médian qu'est l'élément féminin. Hein, effectivement, il y a eu un manque à gagner au niveau du respect des droits des femmes, en particulier des femmes enseignantes, hein, de manière à ce qu'on puisse pondérer sur le plan anthropologique cette déferlante du jeunisme qui a conduit effectivement aux indisciplines, aux violences auxquelles on peut avoir affaire dans un grand nombre d'établissements. Voilà. Et alors donc, pour maintenant politiser un peu la discussion au niveau du bilan des présidences Hollande et Macron dans ce domaine, bon, il y a eu un acquis hein, qu'il faut signaler, hein, qui est à l'actif d'Éric Debarbieux au niveau des acteurs enseignants et de l'Observatoire de la violence à l'école, c'est le fait que l'institution ait accepté de prendre en compte le harcèlement entre élèves, hein, entre pairs. Hein. Ça, c'est quand même un acquis. Ça veut dire que cette culture de la violence, hein, cette contre-culture de la violence, a quand même été théorisée, analysée et donne lieu à des campagnes annuelles hein, et régulières de la part de l'institution pour faire qu'un élève sur 10 ne soit pas l'objet de harcèlement innommable, quoi, bien sûr. Hein. Donc un objectif politique à se donner, ce serait effectivement qu'il y ait une deuxième campagne, hein, vraiment complémentaire, et qui fasse désormais de la restauration d'autorité morale et intellectuelle des enseignants et des personnels d'éducation, hein, effectivement, la condition de la reconsolidation de l'édifice éducation nationale. Hein. Et effectivement, c'est une occasion qui a été manquée avec le pouvoir Peignon, hein, et donc tous les ministres qui se sont succédés, qui n'ont pas vu effectivement l'importance, effectivement, que constitue cette question, hein, dans, que le personnel enseignant, finalement, c'est le pilier du système éducatif, comme il a été dit précédemment. Voilà, alors je peux citer d'autres personnalités hein, ou d'autres intellectuels qui sont intervenus dans ce débat. Alain Réfalot de Toulouse, pour les enseignants du primaire en désobéissance, hein, c'est quelqu'un qui a été, il est moins, hein, je pense que c'est moins la période actuellement, mais sous l'ère d'Arcos, hein, c'est quelqu'un qui a pris énormément de responsabilités pour dénoncer des politiques justement antipédagogiques. Hein, voilà, hein, c'est cela. Et il a quand même pâti de cette situation-là. Il n'a pas été réhabilité, bien sûr, sous l'ère Hollande. Et l'inspecteur Pierre Fracoviac, hein, qui est un proche de Philippe Mérieux, hein, et qui d'ailleurs été intervenu dans un précédent séminaire politique des sciences. Et donc ce sont deux personnes, parmi d'autres, hein, qui ont beaucoup travaillé sur la question de la reconsidération de la condition enseignante. C'est à savoir. Bon, comme vous savez, la situation sur le terrain s'aggrave au quotidien, et c'est sur ces bases que la présidence Hollande, Macron-Blanquer, abuse de cette stratégie du choc, expression de Naomi Klein. Voilà, il voit bien que la corporation est affaiblie, donc il profite de cette occasion pour faire passer tous ses plans délétères. Bon, alors. Très rapidement, je pense quand même qu'il est important de citer la littérature, hein, des rapports officiels qui portent justement sur cette question de la gouvernance et de la gestion des personnels. Hein, voilà, il y en a eu beaucoup. Hein. Ils ne sont pas cités dans la loi de refondation. Hein, on verra très rapidement le champ lexical là-dessus, mais ils existent. Hein. Outre donc l'Observatoire de la violence à l'école et la délégation qui a été constituée en 2012 sur cette base. Vous avez donc l'ancienne médiatrice de l'éducation nationale, Monique Sassier, qui indique dans un rapport que 12% des réclamations des personnels sont directement liées à l'organisation du travail et aux relations avec la hiérarchie et avec les collègues. Donc ça, c'est la médiation de l'éducation nationale. Vous avez la Fédération autonome de solidarité laïque, qui a constaté également un accroissement sensible des conflits hiérarchiques, notamment dans le second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Et c'est là que les contradictions sont les plus fortes. Vous avez un rapport du Sénat en juin 2012 signé par Brigitte Gontier-Morin, hein, le métier d'enseignant au cœur d'une ambition émancipatrice, qui fait le constat de la souffrance ordinaire des enseignants et pointe les différents aspects de la crise du métier. qui aussi, je ne précise pas le détail. Une enquête au niveau de la santé des enseignants, Carrefour Santé, qui regroupe la MGEN et les fédérations syndicales de l'éducation, qui indique que 24% des personnels sont en état de tension au travail, 14% au burn-out, et par comparaison, 12% des cadres du privé le sont. Voilà, donc épuisement professionnel, plus important d'ailleurs à l'école élémentaire et au collège qu'en lycée général ou à l'université. Par contre, en lycée professionnel ou technologique, ça doit donner. Hein. Bon, voilà. Vous avez, bon, je pense, oui. Alors, au niveau syndical, le SNALC soutient la démarche intersyndicale pour faire inscrire le burn-out ou syndrome d'épuisement au tableau des maladies professionnelles. Hein, ça paraît quand même assez logique et correct. Et enfin, vous avez une enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage de juin 2014, plus récent, qui, parmi un panel de pays membres de l'OCDE, met en évidence que les enseignants français ne se sentent pas valorisés et qu'il est temps de les sortir de leur isolement. Et que plusieurs sondages publiés par l'UNSA et l'USGEN, donc autres syndicats enseignants, ont montré une profonde lassitude ainsi qu'un rejet ferme de la hiérarchie et de l'institution scolaire. Les règles qui organisent le métier sont nettement refusées. Deux enseignants sur trois sont en désaccord avec les règles d'avancement et de mutation. Là, on voit bien le clivage grandissant avec l'institution. Et avec les syndicats. N'oubliez pas qu'il y a 9 à 10% maintenant, à peu près, sur les syndicats majoritaires. En réalité, ils sont élus par 9 à 10% des enseignants. Comme les salariés, d'une manière générale. Bien sûr, hein, bien sûr. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de lutte et c'est un vrai problème de stratégie. Tout à fait. Mais ça montre bien que l'idéologie néolibérale, comme vous avez dit, gagne du terrain. Et que même au niveau des enseignants, la conception individualiste, bon, qu'elle soit de repli, défensive ou bien rétrograde, prend effectivement beaucoup de marge de manœuvre, indéniablement. Alors, concernant la loi d'orientation et de programmation de 2013, l'analyse lexicale fait ressortir que dans la référence au personnel comme au public, il y a une disproportion frappante. Il y a 24 occurrences pour les personnels et 75 pour les publics. Donc c'est très net qu'on valorise le paradigme de l'élève au centre des apprentissages, hein, qui est véritablement le paradigme de la période antérieure, qui semble remis en question par Blanquer au nom d'une conception rétrograde, bien sûr, de l'éducation, mais qui montre en même temps qu'il faut qu'on passe quand même à un autre paradigme. Hein, et moi, je pense personnellement que l'interculturel est un troisième aspect à mettre en œuvre dans ce fameux triangle didactique, pédagogique, comme on voudra, entre savoir personnel, hein, enseignant et élève. Hein, il me semble quand même que l'interculturel est une dynamique sociétale à même de reconstruire quand même un terreau éthique et philosophique intéressant. Et donc, voilà, et même la manière de traiter les enseignants est relativement dévalorisée. Hein. Sur les 24 occurrences, 5, ils sont cités 5 fois comme des moyens humains. Quand même, pour des personnels hautement qualifiés, bon, ça fait drôle. Et même il est parlé de la qualité des enseignants, ça se dit pas quand même, au lieu de qualité de leur exercice professionnel. Enfin, on voit vraiment qu'on est un peu c'est dans une perspective utilitariste, quoi, on est vraiment on se sert de nous. Mais ce qui compte, c'est quand même la clientèle, hein, ce qui vote, c'est les parents d'élèves, c'est les élèves. Mais là où, à mon avis, Payon, il a commis quand même une erreur gravissime, suite à Jospin, c'est d'oublier que le monde enseignant est un électorat naturel du Parti Socialiste, au moins un deuxième tour des élections. Hein, Et statistiquement, qui ne l'est plus là actuellement. Tout à fait. Mais là, on a perdu vraiment un électorat naturel. Et donc, ce divorce est grandissant, comme vous le dites, entre les deux instances. Alors, on peut arriver bien sûr maintenant aux perspectives donc programmatiques qui permettraient de sortir de cette ornière, hein, assez énorme, effectivement. C'est et partir pour cela de l'analyse des syndicats, des associations, des personnels. Hein, et tout cela fait partie d'un corpus donc de textes très importants. Et j'ai lu récemment donc le rapport du congrès du SNES qui en parle. Hein. Bon, moi je peux citer Krakowiak en trois lignes, qui dit « Il est certain que si l'on veut vraiment refonder, il faudrait d'abord partir de la base, de l'intelligence collective sur le terrain, de la capacité de co-construction de projets bien enracinés sur le territoire, dans le respect des grandes orientations nationales. » Ça paraît évident. Et encore faut-il le mettre en œuvre, et donc pour cela inverser un petit peu le sablier en tant que tel. Bon, alors tout à l'heure il a été parlé des relations hommes-femmes au sein de l'institution. Bon, il est clair qu'une mise à parité au niveau différents niveaux hiérarchiques s'impose, et peut-être aussi le principe de la coéducation de genre, sortir de cette espèce de citoyenneté abstraite qui fait qu'en France le culturel est banni à tous les étages. Et que maintenant que culturel identitaire est banni, c'est la culture générale qui fout le camp. On n'aura pas compris que les cultures régionales, elles ont une réalité territoriale, que les cultures de genre existent en acquis et en passif, et qu'elles sont le fruit d'une histoire relationnelle, qu'elles peuvent bien sûr évoluer, ainsi de suite. Et il semblerait qu'en Espagne, par exemple, la question culturelle est beaucoup plus actualisée, qu'il y ait des expériences pédagogiques de coéducation de genre et qui, face au public, effectivement, permettent un équilibrage des repères et des valeurs. De voir deux têtes comme ça, genrées, et bien ça peut donner comme ça des idées aux élèves pour se situer d'une manière un petit peu plus équilibrée. Voilà un exemple. Bon, bien entendu, la redéfinition des missions d'inspection, tous les syndicats insistent là-dessus, sur le fait qu'il faut arrêter d'infantiliser des gens qui ont quand même bac plus X années. Le SNES-FSU l'a rappelé dans son dernier congrès, le SGEN dit la même chose. Voilà. Et donc, le SNES, comme Bruno Andreotti et le groupe Jean-Pierre Vernant, insistent sur le fait que depuis l'ère néolibérale, jamais les personnels n'ont été autant caporalisés. C'est là véritablement que la dérive s'est manifestée, et c'est d'abord ça, ce phénomène fondamental qui fait que, évidemment, la condition enseignante est quand même précarisée. Multicaporal. Tout à fait. Bon, et alors donc, pour remédier à cela, pour la protection des personnels dans l'exercice de leur métier, plusieurs procédures ponctuelles pourraient y contribuer. La reconnaissance institutionnelle du droit de retrait pour les personnels de l'éducation nationale sur le modèle des entreprises privées. L'intégration du dispositif concernant la souffrance au travail et le harcèlement moral créé pour des entreprises telles que Télécom. Le renforcement au niveau des DRH de la politique de reconversion des personnels, dite deuxième carrière. Vous avez des gens qui sont en fin de carrière complètement fatigués, laminés, qui ne peuvent plus être en présentiel. Il faut arriver à trouver, bien entendu, des postes de conversion qui soient dignes et honorables. Voilà les exemples. Concernant la santé au travail, alors le SNES préconise qu'en lien avec le travail mené en CHSCT, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de vérifier quel était le sens de ce sigle, mais c'est la question de la santé au travail. Il y avait le psychosocial. Conditions de travail. D'accord. Donc il faut promouvoir cette instance, bien sûr, et une véritable médecine de prévention pour un suivi médical régulier de tous les personnels, tous les 5 ans, mais qui intègre non seulement des médecins de la santé physique, c'est bien d'accord, mais aussi des psychologues du travail et des ergonomes. Parce que le problème majeur des enseignants, c'est quand même un problème moral. C'est à ce niveau que se situe effectivement la problématique. Alors, au niveau de l'information, la transparence de l'information dans les deux sens, effectivement, arriver à sortir de ces clivages, de ces contradictions dont il a été beaucoup parlé, que l'information descendante soit davantage transparente, elle ne soit pas mise sous une espèce de discrétion administrative, justement sous la forme des circulaires, et qu'on puisse pourquoi pas en discuter, parce que l'administration n'a pas toujours véhiculer que des idées négatives, mais elle est dans l'incapacité de faire valoir sa propre information. Moi, je donne un exemple. En français lettres, on a le jour de la francophonie, le 21 mars, le 20 mars, mais l'administration n'a jamais communiqué suffisamment bien pour que les enseignants puissent s'emparer de cette date en disant, mais oui, au fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose d'intéressant avec les élèves qui un petit peu sortent de l'ordinaire. Voilà un exemple, effectivement, d'une information descendante beaucoup trop discrète et discrétionnaire. Bon, et inversement, bien sûr, la remontée des initiatives innovantes. Alors ça, c'était le souhait vertueux de Vincent Peillon. Il a même fait une institution à ce propos, je ne me rappelle plus son nom, tellement je crois que ça a été voué à l'échec. Hein. Mais il est clair que les innovations du terrain doivent pouvoir remonter. Moi, je me rappelle très bien une inspectrice qui avait refusé de faire remonter à l'inspecteur général les expériences que je faisais en cours. Voilà un exemple. Hein. Et elle me l'avait dit carrément. Voilà, et donc je n'avais pas les moyens statutaires de lui dire, mais enfin quand même, c'est de votre devoir de faire remonter cette expérience si elle est viable. Et puis au moins, on aura une validation négative ou positive de la personne qui est spécialisée à ce niveau. Les représentants d'Europe Écologie Les Verts proposent de relancer les universités d'été. Et bien sûr, sur la base du volontariat, de créer des unités autonomes, voire de créer des établissements spécifiques. Et c'est là qu'on voit qu'à l'université, cette idée prend s'actualise avec l'idée d'une université à Vincennes, hein, en tant que telle. Et c'est vrai que c'est à partir des forces autonomes, effectivement, du terrain, qu'on pourra essayer quand même de remonter cette pente assez vertigineuse. Voilà, bon, je passe sur les détails de ces remédiations en termes d'informations qui pourraient effectivement améliorer le cours des choses au quotidien. Mais des choses quand même importantes, là, puisque la formation continue, on sait qu'elle est quasiment, par terre, hein, par manque de moyens, par une démotivation des personnels effrayante. Mais c'est vrai qu'il faudrait, pour la réalité, des stages d'établissement et d'équipes disciplinaires qui soient largement promus, avec bilan, évaluation, réinvestissement. Hein, ça permettrait aux enseignants de sortir l'espèce de torpeur intellectuelle dans laquelle beaucoup sont, même s'ils sont extrêmement doués et spécialisés dans leur discipline, mais dans l'incapacité qu'ils sont de pouvoir travailler véritablement en collectif sans la caporalisation de l'administration. Actuellement, on est dans une situation d'impasse. Hein. Or, revaloriser la formation continue par des stages d'établissement et d'équipes disciplinaires, ça serait un moyen de sortir de cette ornière. Bon, alors je termine quand même sur quelque chose qui est très peu évoqué par les syndicats, c'est la question de la cooptation. Tout le monde sait bien sûr qu'avec le phénomène de la méritocratie républicaine, dont nous bénéficions encore, hein, avec les concours de la fonction publique, le primaire et le secondaire vivent sous le rythme, bien sûr, des concours, du passage des concours, même s'il est vrai qu'il y a de plus en plus de contractuels et que cela crée des discriminations et des inégalités entre les équipes tout à fait considérables. Mais quand il s'agit de coopter les enseignants du secondaire ou du primaire, alors là, c'est là que l'arbitraire intervient à tous les étages et que les syndicats ont très peu voix au chapitre. Et pour remonter cette pente des moments dont on parlait, travailler sur la cooptation, exiger qu'effectivement il y ait des CAPA, enfin des conseils paritaires, qui puissent établir ceux qui peuvent faire être responsables d'une mission académique, d'une recherche-formation, d'un stage de formation continue, être professeur associé aux SP, intégrer un groupe disciplinaire en tant que représentant ou pas, ça serait effectivement une forme de transparence qui contribuerait à éclairer les enseignants eux-mêmes sur leurs droits. Voilà un exemple qui semble nécessaire de discuter avec les syndicats, qui restent encore dans une perspective horizontale où ils ont, bien sûr, à traiter de l'égalité des conditions des enseignants en tant que tels. Bon, et donc, pour conclure là-dessus, il y a la question de la gestion de la hors-classe et de la classe excellente qui font partie de cette gestion très inégalitaire des personnels, puisque vous avez une grille de critères, mais qui est extrêmement réductrice. Essentiellement, le critère qui prime, c'est celui de la réussite sur le terrain, sur la base, bien sûr, des plans, des programmes disciplinaires donnés. Hein. Et hormis cela, qu'est-ce quelque chose que vous ayez pu faire à côté, sur le plan académique, didactique, associatif, de la société civile, en termes d'utilité publique, rien du tout. Voilà. Donc voilà un élément sur lequel on pourrait intervenir pour exiger effectivement qu'il y ait une grille de critères davantage inclusive et qui permette de prendre en compte les différents mérites des enseignants. Donc, sur le plan communicationnel, moi je termine là-dessus parce que moi c'est ce qui m'a frappé puisque j'ai proposé des livres de, enfin, un travail de communication interne à mon établissement. J'étais pas forcément très bien intégrée, je reconnais, mais pour moi un des moyens de l'être, hein, c'était justement la communication différée, hein, parce que pour moi c'est pas forcément d'être autour de l'appareil à café, de la photocopieuse, que les choses se disent forcément le plus profondément. Et j'ai été frappée quand même par la difficulté des équipes à intégrer le fait qu'on puisse communiquer autrement autour de la machine à café ou de la photocopieuse, ou bien sûr du conseil pédagogique qui est l'autorité dite caporalisée par le proviseur en règle générale. Et donc il me semble qu'il faudrait travailler sur la communication avec les enseignants et leur proposer quand même d'améliorer cette question-là pour leur propre intérêt, bien entendu, hein, pour sortir de cette espèce de vase clos et de ce boomerang entre le groupe classe, les groupes classe et l'enseignant, isolé, hein, puisque de plus en plus, on a affaire à des groupes d'élèves, évidemment, tout à fait remontés. Donc, pour sortir de ce huis clos assez dramatique parfois, la communication entre pairs, bien établie, hein, et formalisée serait une bonne chose, avec des lettres électroniques d'établissement qui échappent bien sûr à la caporalisation des directions, et pourquoi pas des blocs disciplinaires, moi, c'est ce que j'avais fait à mon lycée, c'est quasiment passé dans l'indifférence totale. Voilà. Alors parfois j'ai envoyé le lien à tel ou tel en lui disant mais qu'est-ce que t'en penses, bon il n'avait pas le temps de lire. Oh, voilà. Donc le bloc disciplinaire passé à l'as, quoi, soit des questions justement interculturelles, bon, de francophonie, des choses comme ça. Bon, mais il me semble qu'on pourrait réactiver ce genre de démarches, hein, qui sont modestes, mais qui peuvent aider là aussi à des prises de conscience. Alors pour conclure, bon, moi, je citerai la Fondation Copernic, hein, vous avez dit qu'effectivement il y a sans doute un passif à encore préciser dans ce livre, qui a le mérite, d'exister au demeurant, un libéralisme autoritaire contre l'éducation, et qui dit que les offensives conduites contre les lycées et l'accès à l'université, qui se renforcent mutuellement, participent très clairement des mesures libérales, autoritaires, qui frappent les salariés, de la facilitation des licenciements aux projets punitifs contre les personnes au chômage, à cette stratégie du choc qui espère créer un état de sidération et neutraliser les résistances. Nous devons opposer la volonté collective d'assumer pleinement l'affrontement qui vient en fédérant autour d'un intérêt commun salariés de l'enseignement public secondaire et supérieur, lycéennes, étudiantes et parents d'élèves. Et puisque l'offensive est conduite conjointement contre le service public d'éducation et contre les salariés, ce vaste mouvement unitaire doit sceller une alliance durable entre les mobilisations du monde de l'école et celles du monde du travail. C'est intéressant qu'ils aient mis le primaire. Je vais permettre de dire deux petites choses parce que je vais devoir partir en première route. Merci d'avoir cité le harcèlement. Je voudrais revenir là-dessus parce que, quelque part, c'est aussi un piège. Voilà. C'est-à-dire que, comment dirais-je, j'avais parié avec mes collègues, à Sport Restaurant que j'ai gagné, que Brigitte Macron sortirait sur le harcèlement. J'ai gagné, évidemment. Bon, c'est pas très difficile. Mais, comment dirais-je, faut pas oublier que c'est très secondaire, en réalité. C'est-à-dire que l'idée de pourquoi moi j'avais fait monter cette idée du harcèlement, qui n'était pas forcément ma tasse de thé en recherche. Hein. C'est effectivement ce que j'appelle, moi, l'indice de victimation multiple, l'importance de la répétition, etc. Mais le thème harcèlement même, je ne l'aime pas du tout. Parce que tout est harcèlement à la limite, et puis bon, etc. Bon. Mais c'est parce que ça permettait de penser autrement que le mode uniquement sécuritaire vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle à l'éducation nationale qui était le modèle de la violence à l'extérieur. Avec tout ce qu'il y a comme ces xénophobies derrière, évidemment. Avec tout ce qu'il y a comme les bandes armées qui viennent des... Alors, il est inutile de dire qu'avec le djihadisme, ça a bien ressurgi. Et ça permettait de montrer justement que non, attendez, on le sait, c'est mondial. 95% des violences qui sont agies dans les établissements scolaires, c'est les établissements scolaires, c'est dedans des élèves, majoritairement sur des élèves. On ne va pas parler des violences symboliques ici, etc., mais évidemment, je travaille aussi là-dessus. Donc, techniquement, de toute manière, ça permettait une espèce d'inversion du modèle qui me semble intéressante. Maintenant, c'est un effet de levier. De la même manière, sur l'idée du climat scolaire que j'ai beaucoup porté très seul pendant des années, et puis là maintenant, c'est devenu super à la mode, tout le monde en parle, très bien, sauf qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ton analyse de la refondation. Bienveillance, bienveillance, bienveillance, super, pas de problème. Les profs, ils ont deux défenses. Un, on n'a pas besoin d'être bienveillant, on l'est. Pas tous, mais il y en a qui le sont réellement. Et deux, et la bienveillance pour nous. L'idée du climat scolaire, on en a fait justement une idée psychologique, alors que c'est une idée en réalité de sociologie des organisations. C'est-à-dire quelles sont les tensions entre les groupes, les différentes représentations entre les groupes, par exemple les élèves qui disent que c'est trop sévère, les profs qui disent que ça n'est pas assez, et comprendre ces contradictions, et à partir de là, changer l'organisation, éventuellement en tentant de remettre de l'institution plutôt que de la psychologisation. Sauf qu'évidemment, c'est devenu un concept extrêmement mou, mais qui peut avoir des effets de levier. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un terrain où tu commences par ça, où tu es dans cette interaction, où tu dis « je pense à vous, les profs », et on pense en même temps aux élèves, et on voit quelles sont les contradictions, on peut arriver à faire changer les choses. C'est les petits leviers. Alors c'est vrai que je suis d'accord, hein, la médecine scolaire, tous les ministres que j'ai rencontrés, ils sont tous très conscients, il n'y a pas de médecine pour les personnels. Eh oui, et encore, je me rappelle, si vous voulez même, à l'époque, Payon, dénoncer la convention avec la MGEN, enfin, c'est un peu ma boule, on a eu des débats assez intéressants. Donc, il y a plein de choses, mais en même temps, si tu veux, c'est... Je pense qu'il y a une grille de lecture qui est juste, mais peut-être excessive.